Le végétal peut-il nous apprendre à mieux vivre en société? La politique se cultive-t-elle comme on cultive son jardin? Comment la culture prend-elle forme avec l'agriculture? Loin des concepts abstraits ou des professionnels de la politique, et si les paysans du Larzac nous indiquaient la meilleure manière de cultiver la démocratie? Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il est nécessaire de l'étendre. Alors, la contrepartie, c'est le fait qu'il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons, en vivant plus ou moins moyenâgeusement, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Moi, j'étais paysan indigène, puisque j'étais né ici, mes parents, mes grands-parents, etc. Donc, j'étais vraiment un paysan normal, quoi. Je votais à droite, j'allais à la messe, j'étais bien sage, et puis un jour, je me suis retrouvé dans un périmètre, puisque l'armée voulait prendre mes terres pour gagner un camp militaire. Et l'affaire du Larzac a démarré comme ça, alors que j'avais 26 ans. Je disais, le Larzac, c'est comme une grosse miche de pain. Pour la manger, il faudra la couper en morceaux. Et ça dépend qui tient le couteau. Et toute la lutte, ça a été précisément d'empêcher que cette miche soit coupée en tranches et que chacun mange sa part et puis que tout disparaisse, quoi. On s'est dit à ce moment-là, ben, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix qu'on nous offre de nos terres. Bonjour Joël Zask. Bonjour. Vous enseignez la philosophie à l'université d'Aix-Marseille. On vous doit plusieurs ouvrages sur les relations entre l'homme et la nature, de la démocratie au champ, et vos deux derniers livres parus aux éditions Premier Parallèle, « Quand la forêt brûle », paru en 2019, prix Pétrarque France Culture, et « Zoo Cities, des animaux sauvages dans la ville », paru en 2020. Alors comment en êtes-vous venu à défendre cette thèse que cultiver la terre est peut-être le meilleur moyen de concevoir et de pratiquer la démocratie, comme on l'a entendu avec cet exemple des paysans du Larzac? Alors j'en suis venue à cette idée par l'intermédiaire d'une expérience paysanne un petit peu personnelle, d'une part, et d'autre part, aussi en raison de mon intérêt pour les débuts de la démocratie américaine, que j'ai étudié en particulier à travers des auteurs comme Jefferson et les premiers présidents américains qui tous sont des gentleman farmers. Alors ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire finalement des idées démocratiques, c'est que clairement, qu'il s'agisse des démocraties libérales qui sont nos régimes actuels ou qu'il s'agisse des démocraties antiques, clairement elles ne naissent pas à la ville, clairement elles ne naissent pas à l'usine, ça n'est pas le prolétariat qui en est la source, c'est clairement la paysannerie. Et il me semble que l'inclusion de la paysannerie, des paysans de tout temps dans l'histoire des idées démocratiques est absolument nécessaire à opérer aujourd'hui. Et ce qui est très frappant quand on regarde justement les histoires en quelque sorte des théories démocratiques ou les théories de la démocratie d'un point de vue historique, c'est qu'on se rend compte que la vulgate, ça serait que la démocratie, elle s'est faite contre les paysans et malgré eux, que les paysans ont toujours représenté des valeurs antidémocratiques. Et un point de départ de mon livre, c'était dire... Donc dans la démocratie au champ? Dans la démocratie au champ, oui, l'un des intuitions en quelque sorte, ou des problèmes plus exactement de départ, je me suis demandé comment était-il possible d'imaginer ce qu'on appelait les grandes révolutions démocratiques si celles-ci s'étaient faites dans le dos de 80 à 95% de la population. Qu'est-ce que ça disait de notre démocratie? Comment pouvait-on effectivement penser la démocratie, non pas avec, mais sans les paysans? Et voilà, ça a été vraiment ceci qui m'a mis sur la piste d'une reconstruction de l'idée démocratique. Pourquoi cette idée a été oubliée, cette présence des paysans dans la construction démocratique? Qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on en vienne à penser l'idéal démocratique en dehors des paysans? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faudrait prendre en considération et que ce qui s'est passé en Australie, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Union soviétique ou en Chine obéit à des motifs assez différents. Et il me semble que peut-être un des dénominateurs communs, c'est que les paysans représentent l'immense majorité de la population. Et que cette démocratie qui se fait contre finalement la majorité est bien sûr une démocratie qui va mettre entre parenthèses sa dimension participative au profit de sa dimension, j'ai envie de dire, représentative. C'est-à-dire que la démocratie sans les paysans, c'est la démocratie des élites, d'une certaine façon, des élites ou des dirigeants ou des gouvernants ou de ceux qui savent ou des experts, alors qu'ils peuvent prendre évidemment des configurations extrêmement différentes, là aussi en fonction des pays, en fonction des époques. Mais il me semble que cette démocratie qui s'est pensée contre la majorité est une démocratie en quelque sorte qui n'a été réalisée qu'à demi. Et à travers les expériences, en quelque sorte, de redécouverte de la grammaire liée à la culture de la terre, c'est peut-être justement cette démocratie à mi-chemin, en quelque sorte, ou cette demi-démocratie qui est repérée, d'une part, pour ce qu'elle est, et mise en cause. Et aujourd'hui, le statut des paysans, de l'agriculture, nous permet-elle de penser autrement cette démocratie, c'est-à-dire de refonder la démocratie, une démocratie peut-être qui serait plus pratique, qui serait plus participative, qui serait aussi plus écologique. Oui, alors là, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre d'abord en deux temps. La première chose, c'est que historiquement, il existe des formes pré-démocratiques qui sont très très anciennes et qui consistaient par exemple dans les chambrées, dans les foyers, dans les ortillonnages d'Amiens, etc., en des formes d'auto-gouvernement très localisées. Et quelqu'un comme Francis Dupuy-Déry, par exemple, au Canada, à Montréal, a bien mis en évidence, ça a été aussi un travail que j'ai fait dans la démocratie au champ, quelle pouvait être l'influence finalement de ces formes prédémocratiques sur l'énoncé des valeurs démocratiques ou sur l'énoncé même des formes institutionnelles démocratiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et de même aux États-Unis, un certain nombre de chercheurs ont bien mis en évidence aussi, ou d'historiens, d'anthropologues, à quel point la pensée indienne ou amérindienne, qui était une pensée de l'autogouvernement également, avait pu influer sur les constitutionnalistes américains. Donc il me semble que c'est déjà un aspect qui est parmi nous, d'une certaine façon, qui garde un présent très actif et qu'on ne peut pas négliger. Dans ces formes prédémocratiques d'autogouvernement, il y avait par exemple des élections à main libre, une rotation des magistratures, l'interdiction de la boisson alcoolisée pendant les réunions, une égalité homme-femme, certains représentants voilà qui étaient désignés pour aller au contact du seigneur local et choses de ce genre. Donc c'est déjà une manière de, je pense, de répondre à cette question. Ensuite, clairement, les paysans bon, sont des personnages, si on peut dire, ou incarnent des fonctions qui sont très éloignées aujourd'hui du cultivateur acquis au dogme et aux nécessités de l'agriculture industrielle. Par paysan, qu'est-ce qu'il faudrait entendre finalement ? Le paysan, c'est quelqu'un qui est relié à un pays, et le pays, c'est le village, non en tant que ferme, mais en tant que construction qui inclut son environnement. Comme en Corse, le village, ça s'appelle le paese et le pays. Et cette dimension, justement, contextuelle, géographique, mais à la fois historique, éthique, qui inclut le climat, qui inclut les animaux, qui vise aussi une forme d'indépendance, je dis pas d'autosuffisance, mais d'indépendance, eh bien, finalement, forme un écosystème. Et il me semble que le pays, dont le paysan serait l'un des membres, en quelque sorte, et je dirais pas une partie, mais vraiment un membre actif, eh bien, le pays, finalement, c'est peut-être, disons, l'horizon qui nous permettrait de faire face, en tout cas, à la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Non, mon ami. Ce n'est pas en confiant entièrement le gouvernement à une seule personne qu'on le rendra bon et sûr. C'est en le partageant entre tous et en assignant exactement à chacun les fonctions pour lesquelles il est compétent. Chargeons le gouvernement national de la défense de la nation et de ses relations fédérales et extérieures. Les gouvernements des États, des droits civiques, des lois, de la police et de l'administration de ce qui, d'une façon générale, concerne l'État. Les comtés de leurs affaires locales, et confions à chaque circonscription la gestion de ses propres intérêts. Pour que tout se fasse dans les meilleures conditions, il faut diviser et subdiviser ces républiques, depuis la Grande République nationale, en descendant par tout l'échelonnement des collectivités subordonnées, jusqu'à finir par l'administration de chaque ferme par chaque agriculteur, en assignant à chacun le secteur qu'il peut surveiller personnellement. Quelle a été la cause de la ruine de la liberté et des droits de l'homme dans tous les gouvernements qui ont jamais existé sous le soleil? la généralisation et la concentration de tous les intérêts et de tous les pouvoirs entre les mains d'un organe unique. Joël Zas, qu'on vient d'entendre un extrait d'une lettre de Thomas Jefferson, c'était le 2 février 1816, on y entend clairement cette idée d'autogouvernement. Alors le terme n'est pas employé, mais est-ce que c'est ça qu'il faut entendre dans le modèle démocratique puisé à la source agricole, cette idée d'autogouvernement? Alors je crois qu'effectivement elle est tout à fait centrale. L'idée d'autogouvernement peut se comprendre d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif ou plus exactement commun. C'est-à-dire qu'on peut s'autogouverner soi-même et on peut évidemment pratiquer l'autogouvernement en compagnie par exemple de sa famille, puisque comme le disait Aristote, il y a quand même un gouvernement dans la famille, mais ça peut être au niveau d'union sociale un petit peu plus large, voire carrément plus large. Et ce qui est intéressant avec Jefferson, c'est que ça, il en va un peu de même que dans, je dirais, le jardin pédagogique. C'est que le rapport à la terre, le rapport à la culture de la terre, est aussi un rapport à soi qui permet de développer, en quelque sorte, son individualité. Ce qui complète très bien ce texte, qui est tout à fait fabuleux, je trouve, aujourd'hui, et qui résonne à nos oreilles en répandant une douce musique, en fait. Ce qui le complète bien, c'est disons une autre lettre à Joseph Cabel qui date à peu près de la même période et où il pense que le meilleur, enfin disons que le meilleur des citoyens, le citoyen le plus vertueux, c'est justement le paysan. Le paysan américain est le modèle en quelque sorte du citoyen parfait. Alors pourquoi ? Alors ça n'est pas en vertu d'un génie particulier, mais c'est parce que d'une part, il a affaire à la nature. Et ça, c'est un thème qu'on va trouver dans toute l'histoire américaine, même si elle n'a pas réussi à s'imposer, en tout cas au plan des idées, au plan des utopies, au plan des projets. C'est une idée vraiment qui traverse cette histoire jusqu'à aujourd'hui, il me semble. Et donc, en ayant affaire à la nature, le paysan, comme dira Emerson plus tard, le paysan se fait l'élève de la nature, parce qu'il sait que la nature ne lui obéit pas. Et donc, il parvient très vite à la conscience de l'extériorité, de l'indépendance des choses hors de lui, et au fait que, contrairement à l'idée égocentrique ou anthropocentrique qui voudrait que toute chose obéisse en quelque sorte à la logique humaine ou puisse se couler dans le moule d'une rationalité centrée sur l'homme, eh bien non, il va pluraliser ses logiques et ses rationalités. La nature a ses raisons que notre raison ne connaît pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, comment faire pour justement s'adapter, s'ajuster au rythme naturel et à ces logiques extérieures qui sont parfois rétives, qui parfois nous sont complètement incompréhensibles, qui parfois, grâce à nos soins en quelque sorte et notre attention, viennent à notre rencontre en quelque sorte, ou par chance tout simplement. Et donc, le citoyen vertueux, c'est justement ce citoyen qui comprend l'altérité du monde extérieur. C'est quelqu'un qui reconnaît la pluralité des êtres et la pluralité des choses. Donc en fait, je dirais le citoyen idéal, il est d'une certaine façon écologue ou écologiste avant la lettre. Mais c'est un citoyen idéal, justement. Quel rapport entre un citoyen aujourd'hui qui vit en ville ou même un citoyen qui est agriculteur et le citoyen que décrit Thomas Jefferson, qui est le troisième président des États-Unis, qui est un des fondateurs de la démocratie américaine. On est loin quand même de 2020 où l'idée qu'on se fait de l'agriculture et même au-delà de ça, l'idée qu'on se fait de la démocratie est très éloignée de la nature, à moins qu'on entende la nature de manière métaphorique et qu'on y voit une forme d'analogie, mais là c'est dur en fait de se figurer cette sorte de gestion de la ferme alors qu'on vit dans sa maison ou dans son appartement. Oui, alors de la ferme au petit jardin partagé ou à la plante en pot sur son balcon, finalement la distance elle est assez vite franchie. Et c'est ça qui est très puissant, je trouve, dans l'expérience du jardin partagé. Alors d'abord, les jardins partagés, c'est des jardins qui sont partagés dans la ville, dans l'espace public, par différents habitants, par exemple d'un quartier ou dans une ville. Alors il y a des jardins partagés à toutes les échelles, à tous les niveaux. Ce qui est intéressant, il me semble aussi, avec l'image du jardin partagé, c'est que c'est exactement comme ça que Jefferson pense l'Amérique. C'est un jardin partagé. Donc on peut imaginer, Gilles Clément a parlé d'un jardin planétaire, mais on pourrait imaginer un jardin partagé planétaire. C'est-à-dire considérer la Terre tout entière comme un ensemble de, disons, de terres cultivables qui n'appartiendraient véritablement à personne, mais sur lesquelles s'exerceraient des droits ou des capacités d'occupation et qui seraient conformes à ce qui s'appelait au cours de l'histoire le droit de cultiver, finalement. Le droit de cultiver n'est pas le droit de s'approprier la Terre. D'ailleurs, en général, ceux qui ont mis la main sur la terre, en ont fait leur propriété privée, n'étaient pas ceux qui la cultivaient. Donc ça, c'est déjà un aspect. Ensuite, donc le jardin partagé est un jardin qui associe justement de manière très étroite la dimension individuelle et la dimension collective. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est immortel d'une certaine façon, qui accompagne cet idéal extrêmement concret, parce que ça n'est pas une utopie. La ferme de Jefferson peut se comprendre à très petite échelle comme à très grande. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'un idéal qui serait déconnecté des possibilités d'expérience très concrètes. Au contraire, c'est un idéal, un peu pour parler comme Ernst Bloch, c'est un non-encore-être, mais qui est sur le point d'être, pour peu que on s'en donne la peine ou pour peu que on regarde au bon endroit, en quelque sorte. Et justement, le jardin partagé va prendre des formes extrêmement différentes. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une parcelle qui appartient, alors selon les époques ou les lieux, qui appartient à Dieu, qui appartient au Seigneur, qui appartient au roi, qui appartient à la commune, etc., comme les jardins partagés parisiens appartiennent à la municipalité parisienne. Mais par ailleurs, qui sont subdivisés en lopins individuels. Par exemple, le jardin pédagogique qui se trouve dans l'école de Maria Montessori est un jardin qui fait environ 100 mètres carrés et qui est divisé en petites parcelles de 1 mètre carré. Et chaque enfant a accès à une petite parcelle. Et on voit, par exemple, j'étais il y a pas très longtemps à Lausanne, et clairement, le plantage, il est fait comme ça aussi. Et il y en a vraiment dans le monde entier, en réalité. On va en trouver aussi bien dans les villes du Brésil que à San Francisco. On en voit partout en Afrique de l'Ouest. On en voit absolument partout dans le monde entier, en fait. C'est comme une forme vraiment récurrente. Et c'est très intéressant aussi, de quand on étudie ce jardin partagé, quelle qu'en soit l'échelle, de repérer ce qu'il y a de commun là-dedans. C'est-à-dire que d'un oui, côté, si c'est divisé en petites parcelles, qu'est-ce qui reste de ce commun? Oui, mais justement, cette division, déjà, elle dépend d'un gouvernement commun, d'un autogouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jardin partagé sans une charte, une convention, un texte constitutionnel, en quelque sorte, ou constitutif, disons, dont l'assentiment conditionne votre intégration, votre accès au jardin. Et c'est intéressant de voir, même aujourd'hui, tous les jardins partagés sont accompagnés d'une charte, d'une convention. Une sorte de petit contrat social, petit contrat naturel. Tout à fait. Et d'ailleurs, par exemple, les paysans allemands du 14e et 15e siècle avaient justement des chartes qui étaient un peu teintées d'évangélisme ou de notions qui venaient des évangiles, en particulier du droit de chaque homme de manger à sa faim, etc. Et puis aussi qui combinaient des règles beaucoup plus politiques, qui justement établissaient la taille du lopin, les activités autorisées, celles qui ne l'étaient pas, etc. Donc ça, c'est déjà, je veux dire, pour que la formule existe d'une certaine façon, il faut déjà un gouvernement commun. Et c'est vraiment, ça tombe pile dans ce qu'on appelle aujourd'hui les communs, justement. Il faut un gouvernement commun, mais il y a aussi, si on pense au jardin partagé d'aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller plus loin dans le temps. Ce qu'il y a de commun, c'est par exemple la cabane outils, c'est la formation, bien sûr, c'est l'accueil des publics, l'accueil des écoles en particulier, des écoliers. Mais c'est aussi le compost, c'est aussi évidemment les pique-niques, les apéros et choses de ce genre. J'ai étudié par exemple il y a pas très longtemps les ruelles de Montréal. Ce sont pas vraiment des jardins partagés, mais ce sont vraiment des lieux autogouvernés, extrêmement intéressants du point de vue de leur fonctionnement. Et donc voilà, c'est cette association finalement entre le commun et l'individuel qui me semble être la formule gagnante. Je vous propose, Joël Zasque, d'écouter une expérience de jardin partagé, justement, où on entend aussi cette idée de commun et d'individuel, mais aussi cette idée d'espace public et d'intimité. Je dirais qu'il y a plusieurs types d'adhérents. Moi, je sais que les arbres, c'est pas trop mon truc, mais il y en a qui aiment bien ça, qui viennent, qui découvrent. Et puis, Chacun a une affinité pour certaines choses. Oui. Bon, après, effectivement, de toute façon, on s'entraide, donc effectivement, on apprend en participant avec. Parce que des fois, il y a des moments phares où il faut traiter la cueillette des pommes ou le désherbage, des choses comme ça. Donc, effectivement, là, on se réunit tous et puis on apprend comme ça, en fait. L'avantage, c'est que 130 familles, c'est aussi 130 métiers différents, donc effectivement, on trouve toujours notre bonheur, en fait. Ouais. Non, parce que c'est un type d'espace public ou semi-public dans la ville qui est un peu nouveau et que la municipalité, elle a petit à petit appris à connaître et à accepter dans son fonctionnement tel qu'il est. Au début, il nous disait, mais on n'a pas la clé. Monsieur le maire nous disait, mais moi, j'ai pas la clé. Comment ça se fait? On lui dit, mais est-ce que vous avez la clé de toutes les cours d'école? Et puis finalement, ils ont bien compris qu'on souhaitait pas s'enfermer, mais au contraire, qu'on voulait ouvrir aux enfants, aux gens du quartier. Et que chacun, quand il vient ici, on retrouve une certaine intimité avec on ne sait pas trop quoi, mais ce qui fait qu'on se sent assez bien. Donc les gens s'associent finalement vraiment dans une association pour faire un certain nombre de choses. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans... Je crois que... En fait, tout ce qui est organisé au niveau des repas de quartier, nous, on l'a au quotidien. Quoi, en fait, hein, tous les week-ends, on est ensemble, ça crée des liens, ça fait famille, quoi, ça fait une grande famille. C'était un extrait de l'émission Terre à Terre, émission diffusée sur France Culture en 2007. On entend donc ces citadins partager leur expérience de jardin partagé, justement. Alors c'est intéressant cette idée d'espace public, Joël Zask. Un espace public semi-public, il ne sait pas trop comment définir ce terme. Et en même temps dans lequel on se sent intime, mais qui est quand même soustrait au pouvoir du maire. Alors c'est un petit peu bizarre cet entre-deux de cet espace qui est à la fois à tous, mais qui en même temps en fait échappe au pouvoir institutionnel. Comment on pourrait définir ce genre d'endroit? Est-ce que c'est pas problématique justement en fait que les citoyens s'organisent entre eux, ce qui leur permet certes de s'autogouverner, mais en même temps de se soustraire à une forme d'autorité? Est-ce qu'en fait c'est pas une sorte de démocratie à part, le fonctionnement démocratique? Eh bien, je crois que c'est un peu le nœud du problème, effectivement. C'est que avec le jardin partagé, on accède à une idée de la démocratie qui est très différente de celle à laquelle on est habitué et qui me semble beaucoup plus juste en réalité. C'est-à-dire que la démocratie a beaucoup été associée à cet espace d'indifférenciation, aveugle aux différences, où les citoyens s'expriment au nom de leurs raisons, en adressant leurs critiques ou leurs assentiments à un pouvoir central ou un pouvoir dirigeant. Et déjà en place, ou en tout cas en fonctionnement déjà là. C'est-à-dire que la citoyenneté consisterait à réagir après coup à l'action politique, en ayant les yeux rivés sur le pouvoir, en disant oui, non, peut-être, je vote oui, je vote non, etc. Et ce qu'on découvre avec le jardin partagé, d'une manière extrêmement simple, qui parle à tout le monde, et avec bonheur, c'est un terme voilà qu'on a entendu dans le petit extrait. Avec bonheur, c'est que la démocratie, ça consiste aussi en tant que citoyen à faire quelque chose qu'on a en propre et qui est en relation avec ce qu'on a en propre et qui va développer ce qu'on a en propre. Et c'est-à-dire en fait cette démocratie, c'est celle de l'action, c'est celle de la capacité d'initiative, c'est celle comme un enfant qui plante un petit haricot comme on le faisait à l'école entre deux couches de coton humide et qui le regarde pousser. Une fois que les premières feuilles apparaissent, mais il a réalisé une très grande chose. C'est le roi du monde. En fait, il est très heureux parce que, d'une part, il a donné naissance à quelque chose. Il s'est passé quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Il est surpris. Et puis en plus, d'une certaine façon, il est devenu Dieu. Enfin, il a fait naître quelque chose. C'est très important cet aspect. Enfin, c'est pas non plus, il faut pas être grandiloquent. Mais je pense que c'est des expériences très simples qui sont fondées à la fois sur le respect de la nature et sur son encouragement, son soin. Et donc, effectivement, cette capacité d'action qui se joue dans le jardin partagé, et notamment au niveau du lopin individuel dont évidemment l'organisation va s'associer à celle des autres, et une expérience tout à fait inédite et tout à fait centrale. Alors maintenant, est-ce qu'on a vraiment affaire à du public? Alors ce qui me paraît important à rappeler, c'est qu'historiquement les jardins partagés se sont toujours opposés, ou très souvent, très régulièrement opposés au pouvoir. Par exemple, les premiers jardins partagés à New York, ce qu'on appelle des community gardens, sont des jardins révolutionnaires en quelque sorte. Ils sont initiés par des artistes. Ce sont notamment des contre-pouvoirs. Ce sont des contre-pouvoirs au nom de la démocratie et au nom de toutes sortes de valeurs qu'on associe à la démocratie d'action, justement. À cette démocratie qui est organisée de manière à mettre les ressources communes au service du développement d'individualités distinctives. Et Liz Christie, par exemple, ou même Gordon Matterclack, en fait, des artistes au départ, qui, dans les années 70, à New York, investissent des friches, investissent des lieux plus ou moins en ruine, ce qu'on appellerait aujourd'hui des interstices ou des espaces un peu à l'abandon, des délaissés urbains, et dans un premier temps lancent des bombes de graines, et puis dans un second temps établissent des jardins communautaires. Et ces jardins communautaires ont justement la forme que j'ai dite, c'est-à-dire que ce sont des jardins qui n'appartiennent à personne, mais qui vont être, disons, sous la juridiction du groupe qui le crée et divisé en petits lopins. Et les pouvoirs qui sont en place, notamment la municipalité new-yorkaise, voient la naissance de ces jardins partagés avec une immense méfiance, voire avec beaucoup de désagréments et parfois ce qui a suscité des réactions violentes. Beaucoup de ces jardins ont été supprimés d'ailleurs. Mais clairement, la création du jardin partagé est un acte profondément politique. Mais c'est une politique qui n'a rien à voir avec celle, enfin, en tout cas qui est vraiment différente de celle qui consiste à faire une manifestation contre le pouvoir en place, si vous voulez. C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est un ordre, disons, qui effectivement renoue avec cette idée d'autogouvernement, mais qui lui donne en plus une charge exemplaire, qui lui donne la charge de la capacité d'être comme un modèle. Ce que Guattari appelait une tentative microscopique, mais qui est extrapolable à des échelles et en des lieux extrêmement différents. Qui, à la différence d'une manifestation, n'est pas forcément violente et ne débouche pas forcément sur des destructions, mais justement sur des constructions, si je puis dire, ou plutôt de la création même. Voilà, c'est très créatif. Et c'est, je dirais, c'est créatif de commun, c'est créatif d'individualité, mais c'est aussi créatif de liens sociaux très particuliers. Par exemple, les ruelles de Montréal, ce sont des espaces publics. Alors j'ai envie de dire des lieux publics, justement pour les distinguer de l'espace notion, public. De l'espace public au sens où c'est cet espace dans lequel on apparaît en public. Les jardins partagés n'ont rien à voir avec l'apparaître. Ça n'a rien à voir avec la visibilité. Ça n'a rien à voir avec... le fait d'être reconnu en public. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les théories de la reconnaissance, en fait. Le jardin partagé, il est public en un sens complètement différent. Dans quel sens ? Il est public, justement, il est public en un sens où il assure cet aller-retour permanent entre de l'individuel et du commun. C'est-à-dire, il est public au sens où la force commune, les savoirs communs, on va dire le pouvoir commun, est véritablement au service de l'individuation de chacun. Et en même temps fabrique des individualités à cause de sa structure qui, quant à elles, en tant qu'elles développent leurs propres capacités, sont véritablement enrichissantes pour le commun. Alors par exemple, les jardins communautaires de New York étaient vraiment très intéressants parce que c'était des jardins de pauvres, très pauvres, des jardins de gens, notamment de femmes et d'enfants chassés de la rue ou en tout cas qui voulaient se protéger de la rue à cause de la drogue, logés dans des habitats excessivement exigus, soumis à la violence des donc hommes, c'était des sortes etc. D'échappés. Donc c'est un lieu de reconstruction sociale de ce que Aristote appelle une vie sociale heureuse, une vie communautaire vraiment. Et en plus, ça joue un rôle économique parce qu'il faut pas l'oublier. Le jardin partagé joue un rôle alimentaire, économique absolument fondamental. Donc on a quelque chose de très puissant. C'est pour ça que lieu public convient bien. Je dirais qu'un lieu public, c'est un... Et d'ailleurs, on peut penser aussi les places en termes de lieu public et non en termes d'espace public. Et on verrait une énorme différence de configuration entre la place espace public et la place lieu public. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Et un lieu public, je dirais que c'est un lieu qui advient en raison de l'engagement de ceux qui prennent part et en même temps qui s'offre comme un ensemble de... tremplin, en quelque sorte, à l'action individualisante de chacun. Donc c'est toujours les deux. Donc il est toujours requalifié par les usages, mais en même temps il est fait de telle sorte que les usages soient diversifiés par ce qu'ils constituent en propre, en quelque sorte. Que pensez-vous, Joël Zask, d'une forme de récupération de ces jardins partagés par certaines municipalités qui, en fait, encouragent les citoyens à verdir un peu les lieux publics, ces places publiques, mais qui, du coup, chapeautent ces initiatives. Et là, on n'a plus rien, peut-être, de cet esprit de jardin partagé communautaire dont vous parliez à New York. Et là, en fait, ça devient même plutôt une sorte d'obligation. Alors, il y a une différence, je pense, entre le fait de verdir, végétaliser et puis vraiment investir, habiter un oui. lieu. Et puis, cette idée que ce soit pas fait par les individus, les citoyens eux-mêmes, mais par une autorité. Juste, j'ai un exemple comme ça qui me vient. Dans mon immeuble, on a mis en place tout un système de pots de fleurs et on a encouragé les habitants de cet immeuble à planter ces fleurs, à les arroser. Et bien, au final, ces pots de fleurs sont devenus des poubelles parce que il n'y avait rien qui relevait d'une sorte d'initiative individuelle. Est-ce que maintenant, ces jardins partagés et ce bel exemple du jardin dans les municipalités n'a pas été perverti ? Alors, oui et non. Je dirais que finalement, toutes les actions municipales en faveur des jardins partagés sont bonnes à prendre. Je reviens à l'exemple de Montréal. C'est intéressant parce que le verdissement... alors, on parle de verdissement. C'est un terme voilà dont on pourra discuter. Oui, ça fait un peu greenwashing. Oui, absolument. Et puis, en plus, il ne s'agit pas vraiment de ça. Parce que quand on fait pousser des tomates ou du basilic, c'est en fait un geste très différent de celui de verdir, en réalité. Il ne s'agit pas de verdir, il s'agit de manger. Il s'agit de faire pousser des légumes qu'on va consommer et qu'on va même consommer à la cantine de l'école, à celle de l'hôpital, etc., etc. Donc, je crois que la dimension, je dirais, nourricière et économique est aussi à prendre en considération dans le jardin partagé. Et donc, à Montréal, justement, les initiatives de verdissement des ruelles qui sont des passages qui séparent l'arrière des maisons, en fait, et qui mettent l'arrière des maisons en communication, qui avait été, en fait, construit au début du 19e siècle pour permettre la livraison de charbon, en réalité. Alors, ce sont des ruelles qui ont été laissées à l'abandon, qui ont servi de parking, de poubelle, bon, et tout ce qu'on voudra. Et puis qui, maintenant, sont réexplorées par leurs habitants, qui les ferment à la circulation, demandent d'ailleurs des autorisations à la municipalité pour parvenir à cette interdiction de la circulation, notamment pendant le week-end, et puis arrangent en quelque sorte leur cour arrière et les espaces qui sont devant leur maison, voir les espaces de la ruelle en général, pour que les enfants puissent y jouer, pour que s'y déroulent des activités communes. On y trouve des petites bibliothèques, on y trouve même des frigos où les gens peuvent mettre leur nourriture de trop. Tout le monde a accès, bien sûr, à ces ruelles. Et donc, ça, on a un espace public là qui est pas du tout visible. Il est caché, justement. Il est derrière les maisons, mais il est complètement public parce qu'il n'est fermé absolument à personne. Et justement... maintenant, il existe, je dirais, un peu une exploitation touristique de la ruelle verte parce qu'on arrive à des résultats absolument magnifiques. Et donc, la municipalité prend un peu la suite. Le dessus. Pas le dessus, mais la suite. Emboîte le pas. Et la plupart des gens avec lesquels j'ai parlé n'ont pas vu dans les initiatives de la municipalité une effraction ou en tout cas une prise de pouvoir sur leur propre initiative. Mais ce qui est important, c'est que finalement, que fait la municipalité? Elle désasphalte. Ça, c'est qu'il n'y a que la municipalité qui peut faire ça. Parce que nous, on n'a pas le droit de désasphalter notre coin de rue. Donc on peut, je veux dire, maintenant, les initiatives de la municipalité pour désasphalter certaines ruelles, certains lieux devant les maisons, oui, on peut pas certaines s'en plaindre. Souches d'arbres, on va pas s'en plaindre. Parce qu'elle crée, la municipalité, elle est là pour créer des espaces et des opportunités, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est pas une manière de développer, Joël Zask, une forme de contentement, de dire, voilà, vous avez votre espace vert, vous vous en occupez, vous vous occupez des plantes, ça fait bien. Et puis, en même temps, c'est une mini-démocratie que vous menez de votre côté, mais ça changera rien parce que sur les décisions, justement, de désasphalter, ça ne changera rien, c'est quand même nous qui avons le pouvoir de le faire. Donc finalement, est-ce que c'est pas aussi une manière de mettre en concurrence deux formes de démocratie, une démocratie très pratique où on va cultiver des carottes avec son voisin, et puis de l'autre, la démocratie où il y a des décisions très importantes qui sont prises sur les écoles, sur les cantines, sur la manière de rendre circulable ou pas une rue. Est-ce que ça va pas échapper aux citoyens? D'une manière générale, non, du moment qu'ils ont les mains dans la terre. Voilà. Ce qui échappe souvent aux citoyens, c'est par exemple quand le jardin devient collectif. Ça, c'est très problématique. Il y a toujours des tas de conflits. J'en avais vu à Nantes, comme ça. Le jardin est collectif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas subdivisé en lopins. Et donc, là, pour le coup, en général, l'initiative vient d'en haut. Ça doit être, c'est soit une copro, soit une municipalité, soit une région. Et puis, les gens sont pas à égalité. Parce qu'il y en a toujours qui travaillent plus que les autres. Il y en a toujours qui viennent manger les fruits, mais qui ont pas mis la main à la pâte. Donc, ça crée des conflits, en fait. Donc là, il y a des formes, effectivement, de sortie hors du modèle un peu idéal que représente le jardin partagé. Mais qui existe aussi, il faut le dire, à l'hôpital, qui existe dans les écoles, qui existe dans le système des banlieues les plus pauvres. Je pense à des expériences qui ont été justement un peu aussi chapeautées par la MGEN, par exemple, à Valence. On a vraiment des expériences magnifiques au pied des tours, enfin des cités les plus déshéritées. Donc, non, il me semble que mettre à disposition des possibilités en emboîtant le pas à des choses qui sont faites par ailleurs, ça fait partie finalement de l'ouvrage politique des instances représentatives. Maintenant, tant que les gens, comme je le disais, ont les mains dans la terre, on en revient à cet idéal, ce paysan jeffersonien. C'est-à-dire que c'est bien par l'éducation, en quelque sorte, de la terre et par le dialogue avec la nature que, justement, il se préserve de toute récupération et qu'il garde son quant à soi. Et on l'entend tout le temps des paysans aujourd'hui nous dire, mais attendez, c'est pas au gouvernement central de nous dire quoi planter, quoi faire. Et en l'occurrence, Jefferson aussi en témoignait. Et il opposait très justement la figure du paysan indépendant au latifundiste, qui, quant à lui, n'a pas les mains dans la terre, d'une part, et d'autre part, va cultiver des plantes qui sucent le sang de la terre. C'est une expression qu'il utilisait, et qui était le coton et le tabac. Mais le fait d'avoir les mains dans la terre, c'est pas la seule manière de développer l'esprit démocratique, citoyen et l'esprit démocratique. Mais je trouve que c'est un mode particulièrement démocratique, au sens où c'est pas du tout élitiste, pas du tout spécialisé a priori. Même s'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est pas, disons, ça ne demande pas des lumières a priori, et c'est à la portée de tout le monde. On peut citer l'exemple de Todd Morden. Moi, ça me semble les incroyables comestibles. Ça, c'est magnifique comme expérience. C'est une expérience qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années dans une petite ville qui se trouve au sud de Manchester, et voilà, qui a une portée économique, pédagogique, dans une ville sinistrée, suite à la fermeture de son unique usine, qui était une usine de textile. Et les dames qui inventent le système, en fait, préconisent que chacun se mette à cultiver les espaces cultivables de la ville. Ça peut être le bas-côté, ça peut être le trottoir, ça peut être la cour de l'école, ça peut être la cour des bâtiments municipaux, etc., etc. Et que les légumes soient à tout le monde. Alors, vous avez un petit écriteau, mais alors cette expérience est à essaimer, si je peux dire, dans le monde entier. Petit écriteau qui vous dit servez-vous, c'est gratuit. Et en fait, l'expérience Incredible Edible, les incroyables comestibles, a fonctionné d'une manière presque magique. C'est assez vraiment étonnant le résultat que ça produit. D'abord, 70% d'indépendance alimentaire dans une ville dans laquelle les enfants, comme le disaient ces dames, les enfants pensaient que ce qu'ils mangent, d'une manière générale, pousse sur les étagères des supermarchés. Et l'inculture alimentaire était aussi, bien sûr, un peu dans leur ligne de mire, mais également la reprise de toute une activité, celle de la redécouverte de vieilles recettes, l'ouverture de marchés, évidemment la formation dans le monde entier. Et donc, on voit toute une ville qui renaît, ou qui, d'une certaine façon, va se découvrir une personnalité à travers les incroyables comestibles. Donc, non, il me semble que ça n'a rien à voir avec du verdissement, là, pour le coup. Par contre, le verdissement, c'est toujours ad post facto. Verdir, c'est on fait les choses comme on l'entend, suivant le logiciel qui est le nôtre, et puis après coup, on fait ceci ou cela pour plaire à. Mais cette logique de verdissement n'est pas celle du jardin partagé. Il est de tout âge de vouloir créer, imiter, produire, donner des signes de puissance et d'activité. Émile n'aura pas vu deux fois labourer un jardin, semer, lever, croître des légumes qu'il voudra jardiner à son tour. Je ne m'oppose point à son envie. Au contraire, je la favorise, je partage son goût, je travaille avec lui. Je deviens son garçon jardinier. En attendant qu'il ait des bras, je laboure pour lui la terre. Il en prend possession en y plantant une fève. On vient tous les jours arroser les fèves, on les voit lever dans des transports de joie. J'augmente cette joie en lui disant « Cela vous appartient ». Et lui expliquant alors ce terme d'appartenir, je lui fais sentir qu'il a mis là son temps, son travail, sa peine, sa personne enfin. Qu'il y a dans cette terre quelque chose de lui-même qu'il peut réclamer contre qui que ce soit, comme il pourrait retirer son bras de la main d'un autre homme qui voudrait le retenir malgré lui. Un beau jour, il arrive empressé et l'arrosoir à la main. Au spectacle, aux douleurs. Toutes les fèves sont arrachées, tout le terrain est bouleversé, la place même ne se reconnaît plus. Ah, qu'est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes soins et de mes sueurs. Qui m'a ravi mon bien? Qui m'a pris mes fèves? Ce jeune cœur se soulève, Le premier sentiment de l'injustice y vient verser sa triste amertume. Les larmes coulent en ruisseaux. L'enfant désolé remplit l'air de gémissements et de cris. Moi, j'ai pris le jardin pour faire du légume. Bon, je ne travaille pas comme une forcenée au jardin, hein. Faut pas rêver, hein. Donc, je m'installe, j'ai un petit carré de pelouse là-bas, de temps en temps. Donc, je mets la petite chaise longue, une demi-heure, 20 minutes. Et puis après, on rattaque de nouveau un autre petit carré. Voilà, tout doucement. Les choses se font très bien en y allant doucement, tranquille. Puis, il faut laisser le temps au temps. Pas être pressé au jardin. Mais oui, les fèves, là c'est les fèves. Puis quand j'aurai bêché un autre petit bout de jardin, ça sera les petits pois juste à côté. Voilà. Et puis ça détend le jardin. Si vous ne savez pas quoi faire, faites du jardin. Vous serez détendu à la fin de la journée. Un peu mal au dos, mais détendu, déstressé. Je veux m'étaler, faire comme je veux, laisser traîner un seau, laisser traîner un bout de bois, je peux faire comme je veux. Après, il faut aimer, hein, faut pas s'obliger. Hein. Si on n'aime pas, c'est pas agréable le jardin. C'est comme ça. Je me prends surtout pas la tête au jardin. Il y en a, c'est carré, rectiligne, il n'y a pas un herbe, un brin d'herbe qui dépasse. Moi, ça commence déjà à pousser un peu de partout, alors que j'ai encore rien commencé. Moi, je vis ma vie et le jardin vit sa vie. Joël Zas, qu'on vient d'entendre, deux rapports à la terre, deux manières d'apprendre avec la terre, avec la nature. Alors d'abord, c'est Émile dans le texte de Jean-Jacques Rousseau, dans le livre 2, donc texte paru en 1762, dans lequel Émile apprend à planter ses fèves et au désastre, il découvre que ses fèves ont été arrachées et il sent tout le travail qu'il a produit pendant plusieurs jours lui échapper. Il se sent d'une manière désappropriée, il a perdu quelque chose. Puis juste après, on a entendu un extrait de cette émission diffusée sur France Culture en 2017 sur la route des jardins ouvriers où on entend cette femme parler du rythme de la nature, donc s'habituer, suivre la nature. Dans les deux cas, on a deux apprentissages donc par rapport à la nature. En quoi ces deux visions pédagogiques du fait de cultiver un jardin permettent-elles de mieux comprendre un certain exercice politique ou démocratique au-delà du partage avec l'autre, mais là vraiment une sorte d'apprentissage de soi? Alors, ce qu'il y a de commun, je trouve, aux deux extraits, c'est le respect d'une temporalité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que, comme le dit la dame, au jardin, faut pas être pressé. Et on a beau faire, alors je dirais pas il faut attendre que le sucre fonde comme Bergson, mais il faut attendre que la fève pousse. Et cet apprentissage de la patience s'accompagne, c'est pour ça que le jardin est un outil pédagogique extraordinaire, s'accompagne de l'apprentissage de la géographie, peut s'accompagner aussi de l'apprentissage de la botanique, peut s'accompagner, on ne fait pas pousser des ananas dans les cours d'école de Paris, ça peut s'accompagner aussi d'une certaine connaissance diététique, qu'est-ce qui est bon pour nous, quelles sont les vertus de la fève, comment accompagner les plantes de nos soins et les faire s'accompagner entre elles. Donc voilà, il y a une vertu pédagogique du jardin qui est absolument extraordinaire. Et Rousseau en est bien d'accord. Et c'est précisément le fait de prendre le temps qui est le temps de l'étude. Je dirais que c'est vraiment le temps de l'étude. C'est pas le temps de la contemplation. Je dirais, on n'est pas là à contempler sa fève en train de pousser parce que justement, la contemplation suppose quelque chose qui est déjà là, qui est étalé sous vos yeux. Et dans la contemplation, il y a évidemment une forme de passivité. En tout cas, d'enregistrement de ce qui est là sans intervention, bien sûr. Alors que là, ce qui est beau avec la durée qui est propre à justement la plante en train de pousser, et puis à celle qui n'était pas prévue d'ailleurs, comme en témoigne la dame dans son jardin, qui dit y être bien et s'y prélasser, ce qu'on y apprend aussi, c'est que justement, encore une fois, la nature a un rythme qui parfois nous surprend beaucoup et elle est proliférante. Il y a une espèce de prolifération comme ça qui va bien au-delà de ce qui est prévu et qui me semble être pourtant au départ d'une certaine façon déclenché par un acte de jardinage. Et cette disproportion, c'est peut-être pas une disproportion mais c'est comme un décalage entre on pourrait dire la cause et l'effet d'une certaine façon. Ce décalage est aussi très profondément pédagogique, il enseigne une certaine humilité par rapport à la nature. Bon, c'est le personnage d'Adam, en fait, hein. Adam et Eden pour cultiver le jardin et en même temps pour le garder, pour le conserver. Et ça, c'est très politique. C'est-à-dire de, disons, de transformer le monde de manière à en laisser et en laisser encore plus pour les autres. Et donc, on a aussi cette idée-là, bon, qui est très présente chez Locke, et on sent que Rousseau reprend... De propriété, d'appropriation par le travail de la terre. Voilà. Alors là, il faudrait rentrer dans les détails. Ce qui est très fort chez Rousseau, c'est l'idée de l'éducation des choses. Et le jardin est une éducation des choses. Et c'est ainsi qu'il en parle. Après, l'appropriation, Émile qui s'indigne de ce que un sanglier peut-être, ou quelqu'un de malveillant a arraché ses fèves pour se les approprier, là on ne le suit plus. Il n'est plus dans l'éducation des choses. Et ce premier pas vers le sentiment d'injustice est peut-être, disons, quelque chose qu'il invente, hein, en dehors de tout phénomène social, en quelque sorte, comme si l'appropriation était une loi de nature, en fait, puisqu'on ne sait pas qui a pris les fèves. Et ça devient un peu compliqué. Moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai observé, la culture du jardin partagé et l'appropriation sont deux ensembles de représentations totalement antagonistes. Et quand on partage un jardin ou quand on cultive un champ, il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas la propriété. Et la propriété, en tout cas, il n'y a pas la, disons, cette forme de propriété exclusive qui viendrait du travail. Par exemple, les incroyables comestibles, justement, mettent les fruits à la disposition de tous. Pick it up, it's free. Allez-y, prenez-les, c'est pour vous. Et on sait bien qu'un arbre, par exemple un prunier, il va toujours donner, soit il donnera rien, parce que les fleurs ou les fruits débutants ont gelé, par exemple, ou que la grêle est tombée, soit ça va donner trop. Ça donne toujours trop. La nature, elle donne beaucoup, et quand elle va bien. Et donc, d'une certaine façon, la question de la propriété ne se pose pas. Soit il n'y a rien, soit il y a trop, d'une certaine façon. Le partage, alors justement, c'est aussi un élément fondamental des jardins partagés. Les gens n'arrêtent pas d'échanger. Tout le temps, quand on est à la campagne, des gens vous proposent un panier de mirabelles, des champignons, des noisettes de leur arbre, ou de venir vous-même les cueillir, etc. Donc, il arrive, en tout cas, qu'il y ait cette abondance qui invite au partage. Et les membres des jardins partagés, bien que généralement, ils fassent un peu tous pousser la même chose, s'échangent malgré tout des légumes et des fruits. Donc, il me semble que la question de la propriété est en marge. Et d'ailleurs... La propriété, si tant est qu'il y ait de propriété, c'est une propriété communale. C'est une propriété ce qui va s'exercer sur un lieu, sur lequel va s'exercer ou vont s'exercer les droits d'un très grand nombre d'individus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les communs, justement. C'est un commun. Alors, est-ce que on peut encore parler de propriété à propos des communs? Peut-être, mais en tout cas, ça n'est pas la propriété telle qu'elle est issue du Code civil français. Ça n'est pas la propriété exclusive, absolue, irrévocable, consiste en un bien sur lequel seuls les droits du propriétaire vont pouvoir s'exercer à l'exclusion des droits de tout autre. Dans une épaisse fumée de cendres, le président américain est venu voir l'ampleur des dégâts à Paradise, presque totalement rasé de la carte. Donald Trump s'est aussi rendu à Malibu. Il y a pointé du doigt la mauvaise gestion des forêts par les autorités locales. C'est un problème de gestion des territoires et des forêts. On va chercher toutes les causes possibles et on va régler ça assez rapidement, je pense. En réalité, ces forêts sont en majorité sous le contrôle de Washington. Interrogé sur l'influence du dérèglement du climat sur l'incendie, le président américain est resté catégorique. Non, non, j'ai un avis tranché. Je veux un super climat et nous allons l'avoir. Et on va avoir des forêts très sûres aussi, parce qu'on ne peut pas revivre ça tous les ans. C'était aux États-Unis en 2018, le phénomène des méga-feux sur lequel vous avez écrit, Joël Zask, vous avez écrit « Quand la forêt brûle ». On a aussi le rapport destructeur de l'homme à la nature. Alors vous avez quelques minutes à peine pour l'évoquer, mais jusque-là, en fait, peut-être qu'on idéalise aussi ce rapport de pédagogie, de partage par la nature, mais finalement, la nature, on peut aussi la maltraiter. Je parlais des pots de fleurs transformés en poubelles dans mon immeuble, et puis ça prend la forme aussi de giga-incendies avec effectivement des forêts qui brûlent, et parfois d'origine criminelle. Oui, alors effectivement, les méga-feux, on le sait de mieux en mieux et de plus en plus clairement, sont liés au dérèglement climatique qui, quant à lui, dû à ce qu'on appelle l'extractivisme, ou en tout cas au caractère très nocif des activités humaines, mais il est aussi dû justement à la disparition du jardinage. C'est-à-dire parce que... Dès que les hommes ne s'occupent plus eux-mêmes de leur terre... Parce que nos forêts, en fait, et les forêts californiennes aussi, sont des forêts habituées à un entretien humain, à des activités humaines. Les paysages de la planète sont des paysages qui sont aussi dus aux activités humaines. Et ceci depuis Homo erectus, en fait, depuis quasiment 2 millions d'années. Et donc, enlever les gens, comme on l'a fait justement au niveau des parcs naturels, enlever les gens comme on l'a fait en détruisant des groupes culturels tels les aborigènes d'Australie, détruire ces cultures qui savaient y faire avec la forêt, qui savaient les entretenir, c'est vraiment livrer les forêts aux flammes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont plus entretenues, justement. Et donc, les méga-feux sont aussi bien liés au dérèglement climatique que à l'exode rural et à la destruction des cultures traditionnelles. Est-ce que vous pensez que ce phénomène de méga-feux, ou même plus largement le changement climatique qui apparaît à travers le végétal qui est complètement détruit, qui disparaît, est-ce que ça permet une forme de prise de conscience ou en tout cas une envie de réapprendre à jardiner, ou au contraire on se dit ça nous dépasse et puis on peut laisser faire? Ah non, mais je pense que effectivement, au contraire, que ça se passe partout maintenant dans le sud de la France. Les gens commencent à démaquiser, débroussailler, à prendre soin des forêts attenantes à leur agglomération, à leur village. Il y a 1000 choses à faire, il y a des tours de garde qui sont organisées. Donc finalement, la forêt va devenir un jardin partagé ou elle va brûler. Et c'est la raison pour laquelle, même en Californie, on fait appel à des éleveurs de chèvres qui mettent des troupeaux. On fait appel maintenant aux Amérindiens. Il y avait un article dans le New York Times il n'y a pas très longtemps. De même qu'en Australie, on fait appel aux aborigènes et ce qu'il en reste, malheureusement, parce qu'ils ont une culture du feu qui est d'une sophistication extraordinaire. Idem en Corse. Donc partout, effectivement, on renoue avec la forêt cultivée parce que c'est la seule manière de la préserver des flammes qui la menacent très fortement aujourd'hui. Merci beaucoup Joëlle Zask. Je rappelle le titre de vos livres. Alors votre dernier livre vient de paraître, Zoocities, des animaux sauvages dans la ville, c'est aux éditions Premier Parallèle. Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique, aussi aux éditions Premier Parallèle. Quand la place devient publique, c'est aux éditions du Bord de l'eau. Et puis on en a parlé au tout début de cette émission, donc la démocratie au champ, à la découverte. Merci beaucoup Joëlle Zask. Merci. Où ça il est planté un moment, où ça il est planté? Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, où ça il est planté. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. À nous enfants d'y planter un moment. Nous avons dit planter un moment, pas en vent bimido. Nous avons dit planter un moment, pas en vent bimido. À nous avons dit planter un moment, pas en vent bimido. À nous avons dit planter un moment, pas en vent bimido. À mi préfère être ici, maman, mi préfère être ici. Quand me gagne l'astron, maman, ma gagne fait mon bouillon. Ça va boire le rhum, maman, mais ça va boire le rhum. Mais ça va boire le rhum, maman, à soi mon caïton. Mais ça va boire le rhum, maman, à soi mon caïton. Mais ça va boire le rhum, maman, à soi mon caïton. Mais ça va boire le rhum, maman, à soi mon caïton. Nous avons dit planter un moment, nous avons dit planter. Nous avons dit planter un moment, pas en vent bimido. Nous avons dit planter un moment, pas en vent bimido. Planté un moment, pas en vent bimido. Nous avons dit planté un moment, pas en vent bimido. Où ça il est planté un moment, où ça il est planté. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment, l'île est dans la misère. Où ça il est planté un moment. Vous écoutez Gaston Oharo Planté et vous écoutez aussi France Culture, et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. peut-il encore exister des utopies ? Eh ben, c'est une question que je me suis sérieusement posée alors que je parcourais récemment l'autoroute A5, la petite sœur mal-aimée de l'A6, qui, au lieu d'aller vers le soleil, s'enfonce jusqu'au plateau de Langres, à travers les cuestas orientales du bassin parisien. Là-bas, une fois trois passés, un peu avant Chaumont, on tombe dans ce qui, en France, ressemble le plus à un désert, des sols crayeux de la Champagne au territoire déshérité du Grand Est, qu'on dirait vidé d'un coup, comme après une guerre, une épidémie de peste noire ou l'invasion dévastatrice d'un géant. De contes de fées. Pas tout à fait une utopie alors. Bah, sauf que les choses sont bien faites et qu'il existe des aires de repos. Elles sont, on le sait, de deux types, standard avec seulement un petit parking, des tables de pique-nique et des toilettes, ou élaborées avec une station essence, un restaurant, voire une passerelle piétonne. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Le célèbre adage de Hölderlin n'est nulle part plus vrai que sur une autoroute, nulle part plus émouvant que sur la 5 entre Troyes et Chaumont. Sentiment solennel d'entrer dans une oasis, sans doute à cause du si joli logo BP, vert et jaune, un logo qu'on dirait sorti de la méditation d'un poète en exil qui rêverait, la nuit, des palmes réconfortantes du pays de ses rêves. Le logo de BP, c'est la fleur de Coleridge du monde industriel. Une fleur empoisonnée alors ? Bah probablement, la fleur de Curare dans laquelle aurait trempé la flèche de l'âge de la vitesse avant sa traversée de tout un siècle de féerie pétrolière, le siècle de Tintin, de Laurence d'Arabie et des émirs pétroliers, flèche qui serait venue mortellement atteindre le siècle suivant, le nôtre, celui du dérèglement climatique. Ou bien cette fleur serait un nénuphar, celui visqueux et infini qui s'était mis à recouvrir tout le golfe du Mexique après la catastrophe de la plateforme New Horizon. Ou encore, ce serait une fleur de pavot, responsable de notre endormissement rapide, à peine installé dans l'habitacle de carbone nommé Anthropocène. Les aires de repos n'auront jamais été aussi belles qu'aujourd'hui, pourtant. Parce qu'elles sont condamnées ou bien parce qu'elles nous condamnent ? Ce qui m'a frappé soudain en sortant de la boutique et en faisant face à la forêt pétrifiée des pompes à essence, c'est à quel point on avait assemblé ici ce qui ressemblerait un jour au chef-d'œuvre de notre civilisation, quelque chose qui dépassait son trop évident fonctionnalisme pour tendre vers la beauté métaphysique dans ce qu'elle a de plus nu. Rien n'était ici sans fonction, sans signification. Des cafetières tactiles aux gonfleurs de pneus, des sandwichs triangles aux schnörchel coudés, des cuves invisibles. Jamais ailleurs qu'ici, on ne retrouverait un paysage aussi humanisé. Aucune cathédrale n'avait jamais atteint ce degré de raffinement symbolique. Il existe encore des utopies et ce sont donc les aires de repos des autoroutes. Des utopies mourantes, hélas, les déchets industriels d'un monde dont elles sont déjà les ruines, car nous ne sommes plus certains d'être encore ici tout à fait chez nous, comme je l'étais enfant, quand ce monde un peu terrifiant désignait en même temps l'idée consolatrice d'un futur amélioré. C'était alors des postes avancés d'une civilisation à venir. Et ce qu'on ressent aujourd'hui, avec une immense mélancolie, avec une mélancolie de dimension autoroutière, c'est que cette civilisation parfaite n'est jamais tout à fait advenue, qu'elle n'adviendra jamais, mais qu'elle restera la seule utopie que nous aurons réellement connue. Merci beaucoup Aurélien, votre question philo est à réécouter sur le site de France Culture. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Avril Poignant-Le Goff qui a préparé cette émission, Anaïs Isbert, Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Adèle Van Rett que vous retrouverez très bientôt à ce micro, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Nicolas Berger et Esther Valencic à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur le végétal et demain nous évoquerons le rhizome, le concept de Guattari et Deleuze en compagnie du philosophe Igor Cortolica. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur la dimension politique du végétal avec Joël Zask en allant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, où vous pouvez aussi trouver toutes nos informations musicales et bibliographiques. Rendez-vous enfin sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram.